Le Smore le Bossu, légende irlandaise, par Paul Destrée. La nuit tombait sur la vallée d'Ayrlone, nuit de mai, nuit tiède et parfumée, qui invitait au délassement du corps et de l'esprit, si nécessaire et si doux, après une journée consacrée tout entière aux travaux des champs. Ces plantureuses prairies, propriété de Paddy, le maître imagier de la petite ville de Cahir, étaient fauchées de la veille, et tout un essaim de jeunes filles, dirigé par la belle Anna, l'unique enfant de Paddy, venait d'achever ce que les fermiers irlandais appelaient le jeu de la fenaison. Adossées au monticule d'herbe qu'avait formé leur léger râteau, elles voulaient respirer quelques instants encore la fraîcheur du soir, avant de rentrer à Cahir, s'enfermer dans les maisons basses et étroites du vieux bourg. Vives et malicieuses comme le sont d'ordinaire les femmes du pays des Reins, elles échangeaient bruyamment de joyeux propos quand soudain elles se turent. Au loin, dans un bouquet d'arbres couronnant le dernier contrefort des monts Galtiès, le rossignol préludait par des notes lentes et graves à son chant du soir. C'était comme l'adagio du cœur qui se recueille dans le calme délicieux de la solitude. Puis la mesure se précipitait, et bientôt la voix éclatait en trio audacieux, en traits éblouissants, en vocalise éperdue, hymne de joie et d'amour, cantique d'action de grâce de sa créature au Créateur. À peine le rossignol avait-il lancé sa dernière note, que tout près des faneuses, une autre voix, une voix humaine, s'élevait aussi pure, aussi étendue, aussi puissante, pour répondre au chant ailé des nuits silencieuses par une mélodie d'une infinie tristesse, où perçait la mélancolie d'une résignation sans espoir. Alors, comme s'il eût compris cette plainte d'une âme profondément blessée, l'oiseau répliqua par un cliquetis de notes qui semblait un appel aux résolutions viriles. Et bientôt les deux chants se confondirent en un duo où s'affirmaient, dans un merveilleux ensemble, les sentiments si opposés des deux exécutants. Anna, croyant reconnaître la voix de l'être humain que le rossignol avait accepté si volontiers pour partenaire, s'était à demi soulevée quand une de ses compagnes, allumant à l'improviste une des torches qui devait éclairer le retour à Cahir, interrompit brusquement le divin concert. Mais la flamme, en projetant une vive lumière par-delà le cercle des faneuses, avait trahi la présence d'un étrange personnage, immobile dans les ténèbres de la nuit. C'était un homme, jeune d'apparence, de taille moyenne, assez pauvrement vêtu et tenant à ses bras plusieurs paniers de joncs. Sa figure, imberbe, encadrée de longs cheveux ondulés, charmait par la douceur expressive, quoique attristée, de sa physionomie. Mais le pauvre garçon était affligé d'une de ces difformités que la malignité humaine, et surtout féminine, ne pardonne pas. Il avait entre les épaules une bosse tellement énorme qu'elle la rendait grotesque. Les rieuses filles de Cahir l'avaient reconnu, ce ne fut qu'un cri. « Ah, le Smore, l'amoureux perpétuel d'Anna !» En effet, le malheureux chanteur ne laissait que trop voir, par ses extases en présence de l'objet aimé, l'affection dont il se mourait. Mal sans remède. Anna était trop riche pour un misérable vannier, marchand de chapeaux de paille et de paniers de joncs. Elle était trop belle et trop bien faite pour ce ridicule avorton. Et cependant, la fille de l'imagé Paddy, encore sous l'adorable concert qui avait mis une larme à ses longs cils soyeux, pensait « Ah, s'il n'avait pas de... » Elle n'osait l'achever quand ses compagnes l'entraînèrent dans une ronde que chantait tout le pays et qui prêtait bien injustement à l'aimable Anna ce cruel refrain. Le Smore, tu seras mon mari, lorsque tu n'auras plus ta bosse, mon ami. » Le vannier s'éloigna, le cœur saignant de cette nouvelle blessure, et suivit l'étroite chaussée qui mène entre deux files de peupliers aux portes de Cahir, en contournant la pointe du lac de Swélé. Le trajet était beaucoup plus long par cette voie souvent inondée et toujours déserte, car elle était hantée, prétendaient les gens du pays, par des apparitions. Mais le Smore, pour se remettre de ses pénibles émotions, cherchait le silence et la solitude. Cependant, la fatigue de l'âme déterminant presque toujours celle du corps, l'infortuné se sentit accablé d'une intolérable lassitude en arrivant au bord du lac de Swélé. Il se laissa tomber sur une jonchée de roseaux, derrière une touffe de saule dont les pieds noueux étaient baignés par l'eau, endormi, comme la nature tout entière, dans le calme de cette belle nuit. Au fond d'un ciel d'améthyste se levait lentement la lune, mirant son disque d'argent sur la moire immobile de la nappe liquide, où le reflet des arbres et des talus gazonnés mettaient de larges taches brunes. Le Smore, perdu dans ses tristes réflexions, laissait errer ses regards sur ce paysage romantique quand il fut tiré de sa rêverie par une sorte de murmure musical, doux et pur comme les notes cristallines d'une source cachée sous la mousse. Cette harmonie invisible semblait flotter dans la limpidité de l'air, pendant qu'à la surface de l'eau courait une buée transparente où se jouaient mille petits êtres, admirablement proportionnés dans leur taille exiguë et revêtus de riches costumes de cour. « Les fairies !» s'écria le Smore. C'étaient en effet les génies des lacs qui venaient prendre leurs ébats, à l'heure accoutumée, ébats d'autant plus joyeux qu'ils fêtaient le mariage de leur souverain, le roi Gog, avec la reine Tit. Mais l'exclamation involontaire du vanier avait trahi la présence du profane. Et bientôt le Smore, enveloppé de toutes parts, se sentit enlevé et transporté aussi doucement que s'il était couché dans une litière. La tradition voulait que les fairies, naturellement ombrageux et irascibles, s'emparant ainsi de l'imprudent qui surprenait leur mystère, allaient le précipiter au plus profond du lac. Mais il paraît que les noces de leur roi les avaient prédisposés à l'indulgence, car ils se contentèrent de déposer leurs prisonniers aux pieds de Gog, qui esquissait un menuet avec la reine Tit sur une motte de gazon. Le prince regarda fixement le nouveau venu et s'écria dans un strident éclat de rire « Hé hé, c'est le Smore le bossu. Tu arrives à propos, mon garçon. L'herbe est singulièrement mouillée cette nuit, et les mignons souliers de satin de Notre-Dame et maîtresse y glissent à tout instant. Tu es un habile artisan, le Smore, et tu voudrais bien nous tresser une natte pour la salle de bal. Tu vois, les matériaux ne te manqueront pas. » En effet, un monceau de fleurs et de feuilles, de graminées et de roseaux se dressait devant le vanier. « Mais, objecta le Smore, ce sera trop peu d'une nuit pour un tel travail. Commence toujours. » Et sans plus tarder, l'artisan se mit à l'œuvre. Il lui sembla que ses doigts n'avaient jamais été plus agiles ni plus fertiles en ingénieuses combinaisons. Leur savante activité confondait en dessins variés l'or des nénuphars, la neige des spirées et la pourpre des valérianes. Une heure s'était à peine écoulée qu'un tapis moelleux recouvrait le talus qui descendait vers le lac. « Voilà qui est bien !» remercia Gog. « Et maintenant, le Smore, il me reste un autre service à te demander. » Le rossignol devait venir soupirer ses airs les plus tendres à notre fête nuptiale. Mais il paraît que ta voix l'a réduit au silence, car tu chantes fort bien, le Smore. Nous t'avons entendu, et tu ne nous refuseras pas la grâce d'être cette nuit notre maître de ballet. » Que signifiait ce nouveau caprice du roi des fairies? Était-ce un jeu cruel qu'allait suivre la mort tragique du pauvre vanier? Mais le Smore ne tenait plus à la vie. Il voulut du moins que cette heure, si elle était la dernière de son existence, annonça aussi la fin de ses tourments. Il chanta, et ce n'était plus le lamento du cœur désespéré, c'était l'allegro de l'amour heureux, de l'amour partagé. Aux mâles accents de cette voix vibrante comme un appel de clairon, tous les fairies accoururent, se groupèrent, et se tenant par la main, formèrent une farandole, s'enroulant et se déroulant tour à tour dans un tourbillonnement vertigineux qui n'avait d'autre limite que le tapis improvisé par le Smore. Mais les étoiles pâlissaient dans le ciel, et l'Orient s'éclairait peu à peu de lueurs roses. Gog sauta sur l'épaule de le Smore, et la touchant d'une pression amicale, « Merci, mon brave garçon, reçois ta récompense. Que ton vœu le plus ardent soit exaucé. » Le chant du coq sonna dans la campagne encore ensommeillée, et la ronde des fairies s'évanouit comme un rêve. Le Smore s'était endormi profondément. Quand il se réveilla, le soleil avait accompli la moitié de sa course. Le vanier étira longuement ses membres engourdis, ouvrit les yeux, et s'étonna tout d'abord, lui que les premiers rayons de l'aube voyaient au travail, d'être là, en plein jour, étendu sur les bords du lac de Swellé. Puis, rassemblant ses souvenirs, il se rappela peu à peu tous les incidents de la nuit, non sans amertume, car cette évocation lui rendait plus pénible la vie misérable qu'il devait traîner combien de temps encore. Le Smore se leva. Il lui sembla cependant qu'il était plus léger et plus dispos. Et comme il s'apprêtait à reprendre le chemin de Cahir, il jeta un dernier regard sur le lac, théâtre de tant de scènes fantastiques. La nappe transparente, polie comme une glace, lui renvoya une fine et gracieuse image. C'était le portrait d'un jeune seigneur à la taille élégante et svelte, emprisonné dans un riche pourpoint et portant haut la tête sous un feutre largement empanaché. Le Smore ne pouvait en croire ses yeux. Et quoi ? Était-ce lui, l'humble artisan, dont le miroir liquide reflétait sous une aussi magnifique enveloppe le si petit personnage ? N'était-il pas encore le jouet de perfides enchantements ? Mais plus il se regardait, plus il se tâtait, et moins il pouvait douter de sa stupéfiante métamorphose. Son horrible bosse avait disparu. Il était droit, élancé, bien fait, comme la plupart de ses semblables, et sa bonne mine se rehaussait encore d'un costume que lui eût envié le premier gentilhomme du pays. Tout à coup, il poussa un cri. Sur le tertre gazonné où les fairies avaient célébré les noces de leur roi, se dressait une butte qui ressemblait à une énorme verrue. Le Smore comprit. Elle était là, à jamais enterrée, cette affreuse bosse qui avait fait le malheur de son existence. Et le nouveau seigneur prit allègrement le chemin de Cahir. Il avait conscience de sa forme nouvelle au sentiment de son importance. N'avait-il pas, suspendu à sa gauche, une lourde rapière et à sa droite une large escarcelle où dansaient Florin et Ducas? Ce fut ainsi que le vanier gentilhomme fit son entrée dans Cahir. Personne n'eût voulu reconnaître en ce beau et fier seigneur le pauvre diable encore si méprisé et si bafoué la veille, et chacun se découvrait humblement devant lui, non sans se dire « Il me semble pourtant que j'ai vu cet trait-là quelque part. » Le Smore marcha droit à la maison de l'imagier Paddy. Anna était, suivant son habitude, au rez-de-chaussée, en train d'enluminer d'or et d'azur les belles images dessinées par son père. Le Smore passa, suivant son habitude, à lui aussi, devant la fenêtre qui était ouverte. Anna leva les yeux, elle tressaillit de joie. Elle seule, de toute la ville, avait bien reconnu le Smore, son cœur le lui avait dit, et de l'atroce chanson populaire qui poursuivait naguère le pauvre malheureux bossu, elle ne murmura que ce vers. « Le Smore, tu seras mon mari. » Ainsi s'achève Le Smore le bossu, légende irlandaise, par Paul Destrée.